Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Ahamiyatul Lughatil Arabiyya, l'importance de la langue arabe. Un cours donné par le frère Munir Al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyati Bidammaj, au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ففي هذه الآيات بين الله سبحانه وتعالى أن القرآن بلغة العرب عليكم السلام قال قرآنا عربيا فاللغة العربية من أعظم الوسائل التي يفهم بها الدين العربية من أعظم الوسائل التي يفهم بها الدين تعلمون أن العلوم الشرعية وسائل وغايات وسائل وغايات العلوم وسائل أي دموية غايات إلى البت قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا سلبت من خلق الجن والإنس أي لدغاسون فالعلوم الشرعية منها غايات أي مقصود بذاته أي الله أمر به قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا ثبت التوحيد كذلك الصلاة قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي الفقه عموما الصلاة الحج الزكاة تسا صغاية في العلم ثبت التوحيد الفقه العقيدة عموما إلى آخره وهناك علوم وسائل c'est des moyens ça va t'aider à comprendre le but des moyens ça va t'aider à comprendre هذا المقصود التوحيد والعقيدة والفقه والأخلاق والمعاملات ومن أعظم الوسائل قلنا اللغة فلا تستطيع أن تفهم حق الفهم الغاية إلا بالوسيلة. Tu ne pourras pas comprendre le but, هذا l'objectif, إلا avec les moyens. ومن الوسائل معروف اللغة الأصول أصول الفقه المصطلح وغير ذلك كثير. C'est وسائل elles te permettent de comprendre le but. فمثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى المصطلح كما تعلمون يبقى المصطلح الحديث سيستبع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي il entendait directement du prophète عليه الصلاة والسلام يبقى ضعيف مرسل منقطع من هذه الأمور يبقى لأنهم إذا تضيد جغلت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا تجد الصحابي أبو بكر يقول مثلا قال النبي كذا عمر دي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى آخر فالمصطلح الحديث الآن سين وسيلة سين موين كل علماء يزومي بكو تكبخن هذا فمثلا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة وبعد القرون المفضلة il y a des générations après Nabi al-An. Al-An, بعض الناس ils ont menti sur le prophète عليه الصلاة والسلام من أهل البدع خاصة الرؤوس الزنادقة ils ont fait rentrer des hadiths مكذوبة. بعض الناس il a pris le hadith عند ضعيف il sait pas. بعض الناس avec le temps il a oublié, il connaissait, il a حفظ, il est arrivé à une époque ou à un moment il a oublié. فالعلماء علماء الحديث ils ont mis des قواعد, ils ont mis des règles. Est-ce que le hadith, le prophète il l'a dit amla? Al-An, il y a des règles. Ça c'est une wasila. C'est une wasila, c'est un moyen pour savoir est-ce que le prophète il a dit al-qawl amla? Qaddam. C'est loin là. Haq fouad hadi, non? Qaddam. Ça, c'est qui vient. Fal-ulama. Naham. Yassir l'akh. العلماء يزوم مثل هذا ونادي دي قواعد pour savoir est-ce que le كلام du prophète عليه الصلاة والسلام il a dit ça ام لا. فالو بوت انت الغاية c'est le prophète il a dit قال كذا افعل كذا لا تفعل كذا c'est ça نحن نكون. لكن الان pour savoir est-ce que le prophète il a dit ou il a pas dit t'es obligé de marcher à la قواعد ou t'es obligé de prendre قواعد اهل العلم. On a donné un exemple du hadith. الآن اللغة العربية. الآن اللغة. اللغة c'est من أعظم الوسائل. الآن الله سبحانه وتعالى أمر بأمور في القرآن. واعبدوا الله. أقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة. ونهى عن أمور. لا تشركوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تقربوا الزنا ولا كذا ولا كذا. هذه الأمور كيف عليكم خوض إلا باللغة. لأن القرآن اللي بالعربية والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعربية وهو عربي نفسه. العلماء يتكلمون باللغة العربية. فشوفوا باكم خلص الدين إلا باللغة العربية. هذا الآن شوفوا خلص اللغة العربية c'est un moyen pour comprendre ton din. فإذا فهم هذا وإن شاء الله مفهوم طالب العلم خاصة والمسلم عامة. طلبة العلم عامة والمسلمون أو طلبة العلم خاصة والمسلمون عامة ينبغي لهم العناية باللغة العربية. Celui qui veut comprendre son دين لا بد يجتهد في اللغة. Tu ne pourras pas comprendre ton دين حق الفهم بغير لغة العرب. هذا متوالي تعتقد. Ni les traductions, ni kada, ça va permettre de comprendre ton din comme il faut. Abadan. Celui qui veut comprendre din, hakal fam, la bout de min al-lugha. Et on va parler à la fin des traductions et l'akhiré, yani bit tafsir. Qala l'imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah. قال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده أي بقدر ما يستطيع. شك مسلم يدوا بخل لغة العربية أنتم كيف نحن دفاك كل مسلمين متخيز للفية أو من مثل هذه الكتب الموسعة لا. لكن كما قال الشافعي قال حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير إلى آخر. فالآن الإمام الشافعي عليه رحمة الله يتموت أنك تأبلجي دفعه قدر من اللغة العربية. Obligé chaque musulman. Maintenant, chaque personne qui veut rentrer dans l'islam, il est obligé de shahada la ilaha illallah. Bil lughat al arabiyya. La yajouz idi shahada bi ghayr al arabiyya. Hatta yuntaq, walaw si c'est pas, tu lui dis ashhadu, il répète, hatta illa di bil arabiyya. Thumma, tu lui expliques. Hada kalam al shafi'i, ça te montre, anna ala jami' al muslimin, hada. Au moins une partie, amma tout. يعني une autre langue que l'arabe أو يكونه غير la langue arabe لا يجوز له لا يجوز له. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن نفس اللغة العربية من الدين. خاصة فائدة أن اللغة العربية الممل من الدين. فنحن ذكر دي وسيلة أي وسيلة من حيث التدك بخون أما نفسها لمن الدين لأن القرآن إلى بالعربية. قال ومعرفتها فرض واجب. C'est wajib. Ala al-muslimin. De connaître la langue arabe. قال فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. الآن c'est une qaïda hadith. Un cheikh l'islam, il vient de citer une qaïda. Mahi. Mahi al-qaïda. قال, on répète. قال, إن نفس اللغة العربية من الدين. ومعرفتها فرض واجب. فإن فهم الكتاب والسنة فرض. أحسنت أن الوسائل لها أحكام المقاصد. C'est quoi le maqsoud هنا? لا. C'est quoi le maqsoud? لا في كلامه فهم الكتاب. C'est ça le maqsoud. Chaque muslim doit comprendre le Coran. Ou شيء منه. Il doit comprendre Al-Fatiha, il doit comprendre كذا, il doit comprendre كذا. Et ce fahm, tu ne peux pas l'avoir إلا باللغة. Parce que si le fahm est wajib, le moyen qui va t'emmener vers ce fahm est wajib. قال رحمه الله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه قاعدة أو ما ذكر الأخ نفس المعنى قال ثم منها ما هو واجب على الأعيان وما هو واجب على الكفاية نعم قد يقول قائل أسكن وبلجد تكون أدخل على الغرب لا لا منها ما هو كما قال واجب على الأعيان أي الشهادة le fait de rester le Fajiha, le fait de comprendre le Tawhid, le fait de... Ah là, t'es obligé. T'es obligé. Tu ne peux pas qu'avec la langue arabe. Et comme il faut. Hada. Amma at-tawassu' fi l'ugha. Et le khilafat et l'akhiri, ça c'est talabat l'ilm ou l'ulama. Ou l'ulama. Ça c'est pas wajib ala al-jami'a. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم هذا كلام الشاطبي واضح أنه لا بد لا بد لا بد si tu veux comprendre le din que tu le prends avec لغة العرب تستفيد من هذا أن tu peux pas comprendre le din comme il faut إلا بلغة العرب فالإنسان سيلا كوخيسا الآن لكلام أهل العلم كنا لي كلام الشافعي كلام شغل الإسلام كلام الشاطبي الآن الإنسان سيلا كوخيسا يشتغل في اللغة إنسان ينتبه ما دائما للترادكشن دائما ديكور ان فرانسي دائما إلى أن كلام يبغي ترادكشن لا تشتغل في اللغة العربية حتى تكبخن لأن كثير من الناس يكون يسبب اللغة العربية إذا اجتهد إذا كوخيسا كم من العلماء من الأعاجم كم كثير أصلهم سباد عرب أكيد قليل قليل قليل قليل حتى فهم العربية صار علم سلمي كي إساي كي اجتهد بإذن الله يبقى خمس بإذن الله فنستفيد من هذا أن الطالب العلم يجتهد خاصة طالب العلم ودي طالب علم نحن لكن ونفيدي عموما المسلمين كذلك يعني العوام لكن طالب العلم سأخص هو إذا كنت خلوعة العربية لأنه إذا سبيت مدرس إن شاء الله إذا في خطبة الجمعة إن شاء الله إذا إمام إن شاء الله إذا إذا personne إذا دي إشكال إذا دي problème إذا يرغين vers lui فهذا إذا أبليجي إذا كنت خلوعة العربية هذا لابد كما قال الإمام الشاطبي إذا يريد أن يفهم لابد والسلف رحمهم الله كانوا يعتنون باللغة العربية عناية فائقة السلف في اللغة العربية يعتنون بها جدا لأنهم يستعرف كثير لغة القرآن يستعرف كثير بطاكم قول الدين إلا بلغة العرب يعني الدين يعني حق الفهم والفهم الكامل إلا بلغة العرب قال أبو الحسن ابن فارس رحمه الله من أئمة اللغة قال وقد كان الناس قديما يجتنبون اللحن اجتنابهم بعض الذنوب انظر عناية السلف السلوان يجوا اللحن كم السلوان دي ذنوب ما سبق إخوة اللحن الآن ما معنى اللحن قال وقد كان الناس قديما يجتنبون اللحن اجتنابهم بعض الذنوب ما معنى اللحن أحسنت الخطأ في اللغة في القرآن أو في غير القرآن اللحن في القرآن أو في غير القرآن. اللحن أي كما قال الخطأ في الإعراب. مثلا تجي في البيت لحن، الصواب في البيت تجي جاء محمدا لحن، الصواب جاء محمد. فالسلف يسكت دون لحن، أي دشوا جر حركة كم يسكت دونه. استعناية لزبساء أئمة باللغة أدي أئمة في الدين، لأنهم يزبط التساهل إذا سبا غاب كذا. لا لا انظر اللحن بتت شوز، نحن لفتو لجو هذا تولي جور يجو اللحن، نحن لأنه ضعيف في اللغة. انظر هم يسكحتكم يسكحت الذنوب، فما بالك شو حال بيتك للذنوب جو اللحن يسكحت هكذا أبيك للذنوب صبيت أشد. قال الشعبة رحمه الله، الشعبة بن الحجاج من أئمة الحديث رحمه الله، قال إن مثل المحدث الذي لا يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس عليه رأس. فهمت المثال؟ إذا إلى ذن المثال، محدث لا يحسن العربية كالبرنس، البرنس معروف الثوب الذي له رأس، القميص إلى لكبش هذه، نحن لبل جلابة إلى آخره، البرنس معروف. فالشعبة إلى مدخل أن المحدد كما تخيص بلا مقاقب سيكون برنس سلطت، إيه برنس سلطت سيكون برنس. فالمحدد في اللغات العربية فيه نظر تدخل غشامة عالم من أئمة السنة أي متخيز بلا مقاقب أبدا. الآن سنشرح إمام من أئمة السنة من زمن النبي إلى الآن، أي كنسي بلغض كنسي آم أبدا ستكون الآن سبا إمام، لأن الإمام لابد من اللغة. كما يصاب يتخل إمام يكون باللغة أبدا، لأن الدين إلي بازة سكنة على العربية. كما إمام يكون با لشوص يعني ils sont bien des langues. Comment ça va être un imam? Il ne connaît pas cette langue. أبدا. اللغة العربية يحتاج إليها المفسر، المحدث، الفقيه، الأصولي. كل. Tous ils ont besoin de langue arabe. لأن التكس يسوي باللغة العربية. Et les كتب. Comment il va stopper de quoi? Il peut pas lire. Il peut pas. أبدا. C'est impossible هذا. فأنت أيها الأخ ستبت بنغة إيمان في الدين، والإنسان يفوك إذن غوص همة لكون دي الإنسان يبت بنغة إيمان في الدين، الإنسان يزدي بلاش ببا أبدا. الله عز وجل ذو الفضل العظيم أن تشتهد إساش كستبت بنغة إيمان في الدين يتفو اللغة العرب، لأن سامويا لابد منه. في الدنيا في أمور الدنيا il y a des choses qui sont obligées d'avoir une langue précise. Maintenant des informaticiens الآن أو كذا ils sont obligés d'apprendre la langue anglaise. لماذا؟ لأن les logiciels les كذا tout est en langue anglaise. هو يفين يكون pas cette langue أبدا يبغى أبدا. حتى الآن في أمور الدنيا كثير من الناس ils apprennent la langue chinoise. لأن الآن كثير من الأمور سيري الشينوا كذا إلى أوبليجي داخل لغة لونغ حتى يستفيد في أمور الدنيا. فأنت أيها الأخ العلم وهذا الدين إلى بلغة العرب، القرآن بالعربية، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالعربية، الصحابة بالعربية، أئمة السنة بالعربية. كم أشوفكم خلتوا سايت على لغة لونغ؟ أبدا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، أما كلام شعبة رواه الخطيب في الجامع، الخطيب البغدادي في الجامع، وكلام ابن تيمية في الفتاوى، قال كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. تقدم اللحن سكوا. الآن بعض السلف سيسون فيس يلحن إلا طب أو إلا كوريج أو إلا نصح، مهم التأذيب. C'est comme s'il avait fait une bêtise au kada. Under inayat salaf. Son fils maintenant vient vers lui et lui dit Ya Abu Ta'zib. Qul ya Abi. Je dis pas ya Abu. Et hakada. L'enfant hada, il grandit, arrive à un âge, il étudie la langue arabe, ça va tout seul. Les anna, il est habitué à ne pas faire d'erreur. Al-an, compare hada avec. Al-an, kathir min al-muslimin, leurs enfants, ils parlent l'ourat al-kuffar. Andr al-salaf fil lahan. Il le adab fil lahan. Il dit, matalan, zahaba. زيدا اللي أدب يدي قل ذهب زيد زيد اللي فاعل يدي قل ذهب زيد ما بالك il vient il parle en français ou en anglais ou là comme ça. Tu comprends pourquoi le salaf nous a dépassé الآن. Le salaf même les petites choses il les عظمهم. Les petites choses il les عظم ما بالك les grosses choses. نحن les grosses choses أحيانا on a du تساهل ما بالك les petites choses. نحن الآن si par le darija العامية هذه on dit alhamdulillah c'est mieux que la langue des kuffar لأننا on a atteint un niveau هذا أما هم tellement que le niveau il est élevé اللحن il l'acceptait pas dans, chez leurs enfants ما بالكم الآن on est chez les enfants ما بالك entre طلبة العلم entre علماء لكن الإنسان يعني يقتدي بهؤلاء يقتدي بهؤلاء ولا يقنط il se dit أنا c'est trop tard mes enfants كذا لا لا t'as fait des erreurs, rattrape-les ya akhi. T'as fait des erreurs, rattrape-les. T'as, pendant des années, t'as parlé kada ou tu connais pas la langue arabe. C'est le moment aujourd'hui. Tu commences petit à petit. Yiftah Allahu alayk. Amma, t'es dans l'erreur et tu restes dans l'erreur, c'est ça le khata. C'est ça. Amma, tout le monde fait des erreurs. Lakin, dès que t'es l'erreur et tu sais la solution pour sortir de l'erreur, sors ya akhi. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف الانسان الان انسي السلف on a une image comment ils étaient dans la langue arabe فنحن on est des salafis on les suit même في اللغه السلفي c'est pas في العقيده السلفي c'est في العقيده c'est في المنهج c'est في اللغه c'est في المعامله c'est في الاخلاق c'est في الجرح والتعديل c'est في tout في الدين c'est سلفي c'est pas un جانب فقط مهمة جدا لأن على أثر سخطوة هذه علمها celui qui parle l'oral arabien va avoir أثر dans son دين celui qui parle l'oral الكفار va avoir أثر dans son دين هذا ça te montre la gravité de parler avec l'oral الكفار صلى الله عز وجل إعانة نحن on a du نقص في هذا جدا اسمع كلام شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين شيخ الإسلام يتمنى أن la langue que tu vas parler elle va avoir يعني elle va avoir un أثر comment il traduit هذا نعم alors des traces elle va avoir un impact sur tout din tout comportement et ton عقل اللغة اللغة va avoir un impact sur هذا أي il te montre l'islam que اللغة ça joue si tu parles avec اللغة الكفار ça va jouer sur ton din sur ton خلق et l'akhir et on le voit نحن هذا المسلم qui vit chez les كفار et qui parle اللغة الكفار c'est pas comme un مسلم qui vit chez les مسلمين et il parle اللغة العرب On parle en général. Après, il y a des cas, là, chaque cas. Mais en général, ha'oula, fil akhlaq, fil din, il akhri, vont être afdal min ha'oula. Qal, wa yu'athir aydan fi mushabahat sadr hadi l'umma min as-sahaba wa tabi'in. Ay, celui qui parle la langue arabe, il va avoir plus de facilité à suivre le salaf. Celui qui parle une autre langue que les salaf, il va avoir plus de mal. Et hada, on le voit, nahnu. هذا هو الفوق بعض الناس يزام السلف يفش السلف لكن إلا قال ما ينتكمبرون سو كوا إزت السلف il peut pas أنت si tu veux savoir سو كوا إزت السلف تقرأ القرآن tu lis السنة et tu lis كتب أئمة السلف كأصول السنة للإمام اللالكائي والإبانة لابن بطة والشريعة ومثل هذه الكتب il faut montrer سو كوا إزت السلف لكن pour maîtriser ces كتب أو pour lire ces كتب il faut la langue arabe Il te faut la langue arabe, là-bas. Amma, t'attends qu'il traduise ses livres, là. Là, prends d'où ils prennent Moubachara, et tu vas se taffer. Aïe de la langue arabe. Al-An, si on a compris ça, بالفهم أي بفهم السلف إلا باللغة العربية. Celui qui veut comprendre le din comme il faut avec le latin arabe. Alain, si tu as compris ça, i'lam anna al-kuffar, ils ont compris ça. Nous, on l'a compris, wallah ilhamd. I'lam que si toi tu l'as compris, le kuffar, kadhalik, ils l'ont compris. C'est pour ça que tu vas trouver, comme on va lire l'an, بعد الكلام هؤلاء, anna al-kuffar, i'harb le latin islam. لغة القرآن لغة العرب لماذا؟ لأن إساف كسل مسلم يغني على لغة عرب يبقى قوي في الدين surtout si je suis العلماء يعني il peut maîtriser la langue arabe et c'est un munharif لا شك لكن si il maîtrise la langue arabe et il suit أهل العلم أهل السنة يبقى على خير et eux ils le savent هذا فلهذا il coupe le lien entre الأمة et العلماء c'est la langue arabe il le coupe حتى تأكل vous avez remarqué هذا أن بعض الناس مثلا Il aime le dîn. Il veut poser la question à Alim, il ne peut pas, il n'a pas la langue arabe. Il ne sait pas parler la langue arabe, il ne sait pas écrire. Entre lui et l'Alim, il y a un fossé. Il ne peut pas. Il est, si Allah le wafak, il va, il cherche un frère et il lui pose la question. Hada, tayyib. Mais s'il ne peut pas, comment il fait? Il ne peut pas. Il y a entre lui et l'ulama, il y a un fossé. Il ne peut pas. Il va aller vers des traductions, il va aller vers des kalam, et il va être daif, le dîn. L'an à la traduction, c'est Yati. Traduction, c'est pas une solution toujours. Abedan. Al-Kuffar, ils ont compris Hada. Al-Kuffar, ils ont compris Hada, tamaman. Tamaman. Fa, ils ont harb l'umma avec une loura. Al-An, ça n'a pas de courba de kalam. Qal, fahina adraka a'da ou l'islam. أن القضاء على وحدة المسلمين لا يمكن أن تتم ما دامت هناك لغة واحدة يتكلمون أو لا يتكلمها المسلمون ويربطون بها حاضرهم بماضيهم انظر الآن الكفار إذا تبقي أن سكئني من دي الشوز أن توس أنكما مع المسلمين سلا لغة عرب ولو تدخل دي أعاجم إذا أبلج اللغة القرآن أن أغاب الشهادة أن أغاب الفاتحة أن أغاب فهي أن يدخل المسلمين سلا لغة عرب C'est la langue arabe. Oui, mais ils ont compris. Et que cette langue arabe, elle te fait le lien entre aujourd'hui et ce qui s'est passé avant. Maintenant, si tu veux savoir ce qui s'est passé avant, c'est le Coran et le Kadir. C'est le Sunnah. Et c'est le Kutub Ahl-Ilm. Fahoum, ils ont mis une barrière entre les musulmans et ça. Hatta tu ne sais pas ce qui s'est passé et tu n'as aucun lien avec tes savants. Tu restes tout seul, Jahil. قال ذلك أن اللغة هي تراث الأمة الإسلامية وحين تترك أمة لغتها فإنها في الوقت ذاته تتنازل عن تراثها ضرورة هذا سو واضح هذا الكاتب سامسلم هذا ساكاتب تموت أن تراث الأمة أي التريزور دو cette أمة c'est اللغة C'est le Coran. Avec ce langage, tu vas comprendre le Coran. Avec ce langage, tu vas comprendre le Sunna. Avec ce langage, tu vas lire les livres. Avec ce langage, tu vas avoir un lien avec les ulama. Si, هذا الشيء, أي اللغة يتوب, فكثير من دينك va tomber. كثير منه. لأن tu vas plus avoir accès à certaines choses. Tu trouves بعض الناس الآن, il aime bien le din. Il a une maktaba chez lui. Les kutub ils sont en langue arabe, il a Sahih Bukhari, il a Muslim, il a kada, il a kada. Oui, il aime bien le din, mais il y a un obstacle entre lui et sa maktaba. Il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est un décor. Oui, il veut le khair, mais il ne peut pas. Il va prendre un livre, il va l'ouvrir, il ne peut pas. C'est comme s'il avait un livre en chinois, neuf sheikh. Mais maintenant, il ne maîtrise pas la langue. Enfin, entre lui et le din, il y a une barrière, il y a une grosse barrière. Il est obligé d'aller chercher des traductions, kada, kada, et les traductions, c'est Yatim Alam. Les traductions, c'est pas l'alam qui a écrit. Et Alam, dès que tu lis un livre traduit, tu lis pas le livre du Alam. Tu lis le livre du traducteur, là. Si le traducteur, il est bien, il est compétent, c'est un sunni, il a akhir, il est là, Et ni au début, comme on va voir. Amma si ça, mon harif. Wallahi, une fois, on a lu un kitab. On a lu un kitab, un frère, on a lu un kitab, tafsir au Coran. Avant, Ibn Kathir. Ibn Kathir, il m'a dit sunna. Amun harif, il l'a traduit. Wallah, c'est une kutub al-dhalal. Ça n'a rien à voir avec Ibn Kathir. Il dit qu'il a l'Ibn Kathir, mais il traduit comme il pense. Il traduit comme il pense Houa. Maintenant, il fait ce lui, il a une aqida. Et il va traduire ce qu'il pense Houa. Tu lis Kalam ibn Kathir et tu lis ce Kalam, ça n'a rien à voir. Ça, c'est nour, ça, c'est dhamm. Ça, c'est tawhid, wa iman, wa huda, ça, c'est dhamm. Femme tabé. Quand tu vois une traduction de Cheikh Ibn Baz et tu vas et tu penses que tout ce qu'il a dit là, regarde le traducteur et tu veux pas avoir doute, écarte-toi de la traduction, shtahed et prends du as. Ça y est, dans un endroit il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a un kenz, il y a un trésor. Attends pas que les gens viennent et ils t'emmènent, prends directement tout seul. Il y en a celui qui t'emmène, mon kin il va te rush. Maintenant, il a trouvé quelque chose, il va t'emmener, il va te passer la moitié, l'autre moitié dans sa poche. Hakada ba'dhum. Les ba'dhum, ils traduisent pour le mal. Ba'dhum, ils traduisent. Aslan, c'est pas un sunni. Wallahi, ba'dhum, aslan, ils rapportent certains phrases, c'est pas des muslimines. Il y a des traducteurs au Liban, comme à Ta'lamoun, ils ont traduit des livres de muslimines. Aslan, ouah, c'est pas un musulman. C'est pas un musulman, ouah. Kaif hada ta'aman hada ala dinik. Hada, il va t'emmener le din comme il faut. Hada, il suffit que c'est un munharif, si c'est un kafir. Il suffit qu'une kalima te la change, ça peut te faire des dégâts dans ton din. Une kalima te la change. Istawa. Il t'emmène istawla et il traduit istawla en français. Ta aqida n'est pas bonne. Istawa ala l'arsh, tu vas avoir une aqida, Allah istawla. Et ça, c'est aqida al-mu'tazila al-munharifin. Fantabah. عليه رحمة الله فإنه إذا حيل بين المسلم ولغته الحيلة أو الحيل سنفسك خطواء اللغة قال فإذا حيل بين المسلم ولغته لغة القرآن تم العزل له كأنه تم العزل له بطبيعة الحال عن إسلامه. Ondar Cheikh Bakr, il dit si il y a un obstacle entre toi et la langue arabe, il y aura un obstacle entre toi et din. Hada avant c'est wadih. Avant c'est wadih, la ahab, yani il renie hada. Ma avant. Qal, wa awwal ma yunza minhu i'tiqaduhu wa kitab rabbih. La première chose, s'ils mettent un obstacle entre toi et la langue arabe, la première chose qu'ils vont t'enlever, c'est ta aqida. L'an al-aqida, tu peux l'avoir que bi le Coran, ou bi le sunnah, ou bi kalam ahl al-ilm. Si t'as pas une langue arabe, il va avoir un obstacle entre toi et ta aqida. Hada al-kalam, min kitab al-madaris al-alamiya, al-ajnabiya, al-isti'mariya, li Sheikh Bakr, rahimahullah. إلى كتاب طيب فيها الآن جبولي دي كلام من رؤوس الكفار pour vous montrer comment يحارب اللغة الآن نوصي الآن que السلف ils ont donné l'importance à اللغة on sait que اللغة العرب c'est la seule le seul moyen pour comprendre ton dîme t'es obligé de passer par la langue arabe il n'y a pas un autre chemin tu veux l'apprendre en anglais en français en... un chemin c'est اللغة العرب لأن القرآن il est بالعربية. يعني مش بعض ceux qui veulent comprendre حتى الفهم حتى لا أحد يقول هذا يدي الناس يبقى اللغة العربية بطاقة فنصنطين فالآن si t'as compris ça الكفار كذلك ils ont compris ça الآن اسمع كلام الكفرة comment il faut pour حارب الدين قال الآن يبقى des noms français des noms كما on les lit بالعربية ثم voici en français on peut voir ces قال المارشال البوطي هذا كان المارشال مارشال واضح كان المارشال البوطي وهكذا مهم كافر من الكفار هذا سامستعمل فرنسي هذا سافرنسي وكانت une des têtes pour coloniser les pays musulmans انظر الآن comment ils ont fait pour coloniser la tariqa قال إن العربية هذا الكافر يدي إن العربية هي عامل من عوامل نشر الإسلام il a compris il sait dit l'arabia c'est un des moyens pour répondre à l'islam قال لأن هذه اللغة يتم تعلمها بواسطة القرآن انظر كافر كما il a compris il sait que la langue arabe pour l'apprendre tu vas t'aider du Coran. vous avez remarqué un tout, anna fi nahou ou fi sarf ou fi l'ulum l'arabiya, dès que t'as pris l'arabiya, t'as des exemples dans le Coran. Kadir had. Maintenant, ils disent Muhammadun Mubtada. Ils disent Al-Mubtada li marfou. Si les moufrad aramat rafihi al-dhamma, Muhammadun, zahira ala akhiri. C'est comme ça qu'on apprend. Thumma yatamana ash-shahid min al-Quran. Maintenant, le mudarris dit, قال الله عز وجل محمد رسول الله. صدق محمد انت مبتدا انت انت الايه ذك فين ايه الايه ان تشبك يا محمد رسول الله الان بك النحو نستفدك محمد رسول الله الى اخره الكافر الى كوبري هذا الى كوبري سي اون لاس هؤلاء ابخوا لالونغ عرب يبغوا ابخوا الاسلام انت لان العرب الاسلام يعني واضح قال بينما تقتضي مصلحتنا أن نطور البربر البربر لبربر أي هؤلاء سبادي عرب أصلهم سدي أعاجم وذلك أبخل لماذا قال هذا أن نطور البربر خارج إطار الإسلام ومن الناحية اللغوية علينا أن نعمل على الانتقال مباشرة من البربر إلى الفرنسية انظر عدو الله عدو الله إبال هذا لا كولوني أو quand ils ont colonisé le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. L'Égypte, la Grande-Bretagne et l'Afrique. Imma les Français, imma les Anglais, marou. Ils ont stammer du Maroc jusqu'au Liban et l'Afrique. Jusqu'au Yémen, le sud du Yémen, marou. Les Anglais et le Maghreb, Kathir Minho, c'est les Français. Hada, il a dit, awolen, il faut combattre la langue arabe. La langue arabe, c'est ça qui propage l'islam. Khassatan عند البربر. Les barbares, les berbères au Maghreb, كثير منهم ils connaissaient pas l'islam au début. الان الحمد لله c'est les musulmans. Mais à l'époque ils connaissaient pas l'islam, كثير منهم. كثير منهم. Et هذا العدو il a compris que le barbare si il bascule à la langue arabe, ça va devenir des musulmans directement. C'était déjà des musulmans, mais si ils apprennent la langue arabe, ça va être des musulmans, ils vont être plus forts. Qu'est-ce qu'il a dit, Roua? Il a trouvé la solution, Adoullah. Il a dit, les berbères, là, on les colonise, et de la langue berbère, on leur apprend la langue française. Il va rester d'aïmen dans son cœur. Le côté berbère ou français, c'est deux langues, c'est pas de l'arabe. Et Adoullah, il a compris, il a dit, on les fait passer de berbère à français. Il ne faut pas qu'ils passent dans la langue arabe. S'ils passent dans la langue arabe, il va apprendre le Coran, il va apprendre Kada, il va l'aqid al-jihad, il va rentrer dans son cœur, il va nous harb. Sahir. Il ne pourra pas combattre. Les annales mujahid, ihda al-husnayin. إما القتل أو النصر هو أما الكافر لا الكافر في الدنيا هو ذكي والقتل في دنيته المسلم نو إلى أن دو إما يمار إلى في الجنة سيد مخلص إما إلى لا فيكتوار ولله الحمد فهذا إلى كبخي هذا فإلى دي on les fait passer de la langue berbère à la langue française pas de langue arabe أنت الآن ce مخطط هذا شيطاني qu'ils ont fait tu crois qu'il est pas, il existe pas aujourd'hui les enfants des musulmans al-kuffar face à ceux qui vivent chez eux mais les musulmans en France il faut absolument que cet enfant il apprenne pas l'arabe absolument s'il apprend l'arabe khalas il pourra lire l'histoire il pourra prendre l'ilm de l'ulama et l'akhirat fa ils nous mettent une barrière mubashara comme ils ont fait avant ils le font maintenant التاريخ يعيد نفسه كما تعلمون وقال فون مارتين كانه فون مارتين وهكذا مستعمر فرنسي قال إن كل تعليم للعربية وكل وجود الإسلام وكل وجود الإسلام سوف يتم إبعاده بكل قوة وبذلك نجذب إلينا الأطفال انظر هذا كذلك مستعمر فرنسي avant de coloniser il a dit أولا il faut combattre l'arabe قال إن كل التعليم العربي ثم il a dit وكل وجود الإسلام سوف يتم إبعاده أي on va l'éloigner de ce pays le Maroc l'Algérie et l'Arabie c'est ça leur but de rentrer d'enlever la langue arabe de mettre leur langue la langue française et les générations de musulmans grandissent avec la langue française au Maroc en Algérie en Tunisie là. Thomas il y aura un fossé entre lui et l'islam il va rentrer au masjid il y a un mushaf il ne peut pas lire vous l'avez vu là des convertis dès qu'ils rentrent alors des musulmans qui ont grandi vers la coupe ils ne savent pas lire l'arabe ils rentrent dans le masjid ils s'assoient ils ne peuvent rien faire il a une petite traduction kada il va se le carré amma le mushaf asl din il ne peut pas lire ou alors s'il le lit il ne comprendra pas لأن s'il a pris les lettres, il va lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il ne sait pas ce qu'il a dit. C'était ça le but des kuffar. Tu lis le Coran et tu ne comprends rien. لأن si tu lis le Coran et tu ne comprends, ça va faire comme Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu. Haoula, c'était min l'ougat l'arab. Vous vous rappelez l'ayah qu'il a entendu Jubayr ibn Mut'im, il a salam direct, min surat al-Tur. Am khuliqo, kmel, am khuliqo min ghayri shay'in am hum al-khaliqoun. C'est ce ayah qu'il a entendu. Jubayr ibn Mut'im, il faisait partie de Quraysh. C'est un kafir. Il est passé, il a entendu une ayah. Le prophète, il a entendu. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آية لا تودي لكن إذا partie de Quraysh تعلمون أن القرآن il est descendu بلغة Quraysh chez eux avec leurs enfants ils parlaient la langue française Allah il a fait descendre le Coran هكذا فلو يكبر c'est comme toi l'un dictateur la langue française tu comprends lui il est passé là entendu le Nabi أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون il est parti là chez il a dit c'est vrai أم خلقوا من غير شيء est-ce que je suis venu tout seul هكذا est-ce que c'est toi qui t'es créé toi-même? Il a réfléchi, il a dit là, il a été l'aslam. Il a compris que le Khalif, c'est Allah, il a l'aslam. Antal an, tu ouvres le Coran, tu lis rien. C'est ce qu'il voulait. Mais nous, comme ayat, on ne comprend pas là. Le kuffar, il ne dorme pas. Il ne dort pas, il est musulman. Le kuffar, il ne dorme pas. Regarde, Zamal et Istimar, tu crois qu'ils ont été hakada? Ils sont réveillés un matin, allez, on va coloniser le Maroc, l'Algérie. Ils savent que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, c'est aslam islam. Al Jazeera, Al Yémen, l'Arabie Saoudite, Syrie, tout ça. Tout ça jusqu'au Maroc, c'est aslam islam, c'est l'arabe. Si ça c'est qu'oui, la planète entière, elle va devenir musulmane. C'est واضح. On dort à Zaman Sahaba, Al Jazeera, les Taqawiya, ils ont pris du Maroc jusqu'à la Chine, l'Indonésie, l'Afrique. Al-An, si c'est parti à l'Etraoui, l'islam, il va se répondre facilement. Al-An, ils se sont dit, il faut harab ça. Comment on va harab? On leur enlève la langue déjà. Ils n'auront plus aucun lien avec le Coran, avec le prophète, ils vont chuter tout seuls. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Al-An, dans nos pays, nous, nous, Katir Benamnaz, ils ne comprennent pas le Ralf Foussa. Imma, ils parlent barbare. Imma, il parle d'Arija al-Amiya, Hadal Abbas, il comprendra des choses. Imma, il a des mots en français. Wallahi, pardon, mais il a des mots en français, il ne sait plus c'est quoi en arabe. Wahed Marra, un Algérien, nous a raconté. On a un Algérien d'ici, pas de corps. Il nous a raconté, il nous a dit une fois, il y avait un contrôle en Algérie. Et lui, il était dans la voiture. Et dans la voiture, il y avait une vieille. Ajouz, elle a connu la colonisation. On en a les vieux, ils ont connu la colonisation. Bon, en 1900 à Madrid, il y a eu la colonisation en Algérie. Cette vieille, elle a connu. Et le policier, il est venu et il a dit Bitaqa Sharsiya. Il a demandé Bitaqa Sharsiya. Tu comprends l'arabe Bitaqa Sharsiya, ta carte d'identité. Le jeune, il avait été à l'école, Saint Talib, il connaît. Il a sorti et tout. La vie, elle est restée à Kada. Le policier, il est venu, il lui a dit. Il lui a demandé. Elle lui a dit, hein? Elle n'a pas compris. Elle lui a dit, qu'est-ce qu'il veut là? C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, carte nationale. Elle a fait ça. Hein? Elle a compris du nègre. Nuskinal croyait que carte nationale, c'est de l'arabe. Carte nationale, on dit comme ça. Katim al-Awam dit carte nationale. Carte nationale, c'est de la langue française. La carte nationale. Sauf qu'il t'a mis un petit accent. Amma al-Arabiya, c'est bitaqa sharsiya. Elle n'a pas pu comprendre Nuskin. L'imada, elle fait partie de cette personne qu'ils ont été muharib fi lughatihim. Miskina, elle n'a rien à voir. Elle a été colonisée, elle est kuffar, ils ont réussi à lui enlever ça. Et une autre chose, et une autre chose, et une autre chose. Qatalahumullah. En Algérie, maintenant, ils ont fermé les écoles. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont colonisé, ils ont fermé les écoles de Coran, d'arabe et d'arabe. Ils ont ouvert des écoles, langue française obligatoire. Le peuple algérien, les jeunes, ils sont rentrés dans ces écoles et ils ont enlevé la langue arabe. Les hadal an, tu trouves Katir min haoula, les Algériens, maintenant, tu le trouves à 50 ans, 60 ans, hein, ils parlent en langue française, Aad. Les anna, il l'a étudié à l'école. Tu le trouves dans l'arabie al-fusha, il ne comprend pas beaucoup. Il comprend pas. Il l'a s'il est à l'école après, il a pris les deux langues. On ne va pas croire que c'est hakada. Ils se sont dit, allez, on va apprendre notre langue, la culture, la francophonie. C'est du kadib hada. C'est harb ala l'islam. Dès que tu as ta francophonie, mets-toi dans ta tête harb ala l'islam. C'est du kadib. On veut une francophonie africaine. Kadib, ils détestent. Ils ont voulu t'harib ton dîn. Lakin Allah Azza wa Jal, il a wuffaq al-muslimoun, ou al-muslimin, et ils ont harib haoula, et ils sont sortis. Hala, ama eux, ils voulaient, il n'y a plus d'islam du tout. Lakin Allah sallam wa rahim al-muslimin. Al-an, je sais les kuffars, ils ont fait ça. Al-an, les kuffars, ils se sont fait sortir, mais les musulmans, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Alhamdulillah, les kuffars, ils n'ont pas pu. Ils ont su, haoula, imma on les tue tous, imma on ne pourra pas. L'anna, c'est un musulman, il meurt, il a fait le jannah. Il a peur de rien. Khasatan, s'il est à l'aqidah sahih. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. Ils ont amené une deuxième solution. Ils ont dit, on va les laisser chez eux, haoula. Lakin, nous, on va apprendre la langue arabe. Comme ça va être grave. Nous, on va apprendre la langue arabe et on va les combattre. On va combattre leur dîn avec la langue arabe. Al-Kafr al-An, il va apprendre la langue arabe. Khal. صاحب كتاب رؤيا إسلامية للاستشراق قال كان ريموند هذا يحث المسيحيين على تعلم اللغة العربية بهدف استعمالها لتنصير المسلمين. سمعت الآن هذا عدو الله سندتات كذلك دي كولوني هذه ils ont pris un groupe de masihiyin comme ils les appellent les chrétiens les évangélistes haoula et ils ont pris la langue arabe et ils les ont lâchés dans Bilal Moussouli avec la langue arabe et il va y faire des dégâts avec la langue arabe il va changer ton dîme. Il y en a, il sait que la langue arabe il ne peut pas s'enlever. Chez toi tu parles avec ta mère kada. au pire tu vas rester avec l'amiya et ils ne pourront pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont employé hada. قال وقد تعلمها هو نفسه لهذا الهدف ريمون هذا ريموند هذا لمن يعرف لغة العرب قال وأبحر إلى تونس والجزائر إلى أخي لغة العرب إلى بارتون تونسي ونالجر كيس كلا فات قال إلى تونس والجزائر حيث عرف هناك بالصوفي النصراني إنه أبل الصوفي كريتان أعوذ بالله سأل كافر c'est un soufi nasran. Ça te montre qu'il y a soufia, il y a des kuffars. C'est des kuffars. Il est rentré et ils lui ont donné un surnom, un soufi nasran. Qu'est-ce qu'il avait? Wa kana yatuf bayna al-muslimin faqiran wa'idan munassiran hatta sujna wa turida min hunak. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire de da'wa. Faqiran, il a pris tariqat soufia avec aqidat nasar. Il s'est mis sale, faqir, meskin, il a arrêté et il faisait le tour des villages en Algérie et en Tunisie. Et Adouallah, il a fait ta'wa. Hatta à la fin, ils ont compris, ils l'ont mis en prison et ils l'ont expulsé. Lakin, quand de dégâts il a fait avant? Cette tariqa, elle est موجود al-an, wallah. Ceux qui vont au Maroc, je parle Maroc, dès qu'on allait au Maroc, les Algériens, les Tunisiens, Madrid, est-ce qu'il y a ça? Mais nous, dès que tu arrives au Maroc, le Maroc, il est Hakala. L'Espagne, c'est Hakala. Mais nous, on arrive comme ça. Tumba, il y a le Détroit. Et là, il y a le Maroc. Et là, il y a la mer. Dès que tu arrives ici, c'est la dernière ville espagnole. Il y a les douanes. Tu es obligé de passer la douane, la dernière douane européenne pour aller en Afrique. Le premier pays, c'est le Maroc. Et les douanes, on a, tu trouves des files de voitures. Hakada, plein. Et ça met du temps. Et après, il faut prendre le bateau, Hakada, il est après. Al-An, dans ce marhala, on a, tu trouves des Espagnols qui viennent. Al-Monsiba, ils viennent avec des cartons. Cartons, vous n'avez pas ça en Tunisie? La porte de Marseille, là, vous l'avez en Algérie. Ils emmènent des cartons et il y a des livres de chrétiens en langue arabe. Avec des photos, il arrive. Vous l'avez là. Ah là, les cassettes vidéo et tout, le sac. Il donne un sac, il y a une cassette vidéo à Issa. Il y a un livre, il arrive. Il vient, il te le donne. Marra Ana, j'ai vu là. J'ai vu, j'ai regardé, c'est un livre de chrétien. Issa, c'est le fils d'Allah. Lakin, il t'emmène des ayam et le Coran. Adouallah, il te met des ayam et le Coran. Et c'est tout en arabe. Yani, il parle de Jannah. Si t'es un croyant, t'écoutes tes parents, tu vas aller faire le Jannah. Les parents, ils lisent, ils croient que c'est un livre khayr. Et tu lis, il y a du kufr wadih. Ahyanan, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'emmènent un verset du Coran. Thomas, ils t'emmènent un verset de la Bible, ثم la Torah, ثم leur كتب منحرفة. Pourquoi ils font ça à un tel âne? Il faut réfléchir plus loin, Akhi. Ouais, toi, il sait que tu vas pas lire. Il sait que la route, t'es fatigué, t'en as marre de kuffar. Toi, il sait, toi, tu vas pas lire. Mais pourquoi ils te donnent? Ils te donnent un sac à toi. Tu mets dans les voitures et tu vas et tu lances au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Eux, c'est ça le but, c'est qu'il atterrit dans un pays musulman. Hatta le musulman, un jour, il veut dire, il ouvre le livre en arabe, il lit et il a des choubas. Il dit, ah ouais, Issa, c'est gada, gada, et il tombe. Fantabé. Ah, le kuffar, ils te laisseront pas, on a gare. Hatta ce moment de fatigue, de voyage, ils te font rentrer quelque chose, vous. Fantabé, Akhi. Fantabé, le kuffar, ils ont pas de khair, c'est des adou, Allah. قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا الايه واضحه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا الكفار vont pas arrêter de vous combattre jusqu'à qu'ils t'enlèvent de ton dîme si ils peuvent. Ça, c'est كلام رب العالمين. كلام رب العالمين. Fais pas confiance, il dit كذا كذا, francophonie, on veut la culture, on veut ce qui est كذب, c'est un كافر, il déteste. وقال المستشرق أو لا قال صاحب المستشرقون المستشرق c'est une personne il apprend le din pour harb le din. Il y a une traduction française là, hein? Ah, les orientalistes, les orientalistes, ils appellent ça, les orientalistes. Il rentre, il aime bien l'Orient, il aime bien la culture, il aime bien la langue arabe et il apprend ça. C'est un mustashriq qui l'aura l'arabia, il apprend le din qui vient du Sharq, de l'Orient. Et il apprend pour le combat. Ça, c'est un mustashriq. L'âne, il y en a qu'à dire. Ça, c'est la nouvelle tariqa qu'ils ont pris. Ils ont arrêté la colonie avec les armes. C'est fini. L'âne, il faut avec le fiqh. Il t'emmène un mustashriq. Il apprend bien le din. Il apprend aussi les livres de Kadir. Il apprend le Coran. Il apprend le sunnah. Ba'dahoum, il maîtrise les livres de Sheikh l'Islam. Il les a lus, l'oral arabe. Il déteste toi. Mais le but, c'est de comprendre. Et il sait c'est quoi le point fort de l'islam. Et il sait où le point fort. Il sait que le point fort, c'est le tawhid. Le fait, il rentre à l'arabe. Fatal voa. نعم هذا شيء معروف هذا يغوط في سيزون فرصة غوطخي حتى ميليتير مخيهم نعم أحسن قال هذا الكتاب قال مالك فرنسا لويس أي لوي روى فرنسا سان لويس سيزو لوي دوزو من هؤلاء الكفرة في سنة 1082 هجرية أي 1082 Le calendrier des kuffars, ça fait 1600, 1671. Enfin, c'est Louis XV, Louis XVI, en Milha Oula. قال أو مالك فرنسا هذا أرسل رسلا إلى جميع بلدان المسلمين لشراء المخطوطات. الآن أنت هذا لوي هذا الكافر لغوا. En 1600, il a envoyé des Français. Qui ont étudié des docteurs, des cadavres, et les a envoyés fuir les musulmans pour qu'ils achètent le mahtoutat. Mahtoutat, c'est quoi? Mahtoutat, c'est mahtoutat, les ulama. Maintenant, le fatwa sur l'islam, elle est bien mahtoutat. Ils n'avaient pas l'imprimerie à l'époque. Ce qu'ils appellent des manuscrits. Des manuscrits. Et elles étaient cadavres fuir les musulmans. Ils ont été et ils ont pillé les musulmans et ils les ont emmenés dans le kuffar. Tout le kuffar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris la langue arabe et après, ils ont commencé à regarder ces livres. Et ils ont compris le pouvoir de l'islam et le zaf. انتبه الكفار يسوها كذا انا بقولك اذا سيتو صح فوق توا تتكونسونت في اللغه العربيه اي توا تقول اللغه العربيه pour apprendre ton din انت تاع سلفي تاع مسلم و apprendre ton din et pour montrer ان لا باز دو دين pour comprendre din c'est اللغه العربيه انتبه لي تراديكسيون هذه tous les jours des musulmans un des frères salafis للاسف tu le trouves son din il est en langue française. Tout ce qu'il a, il faut qu'il le mette en langue française. C'est un khata, ça. Anta, au début, l'âme. Au début, tu rentres dans la religion, tu es obligé en langue française. Je connais que ça. Autrement, là, une fois que tu vas avancer, concentre. concentre-toi dans la langue arabe. Concentre-toi dans la langue arabe, ya akhi. Les traductions hadith, c'est un terme plus dans Ba'd al-Umour. On avait vu l'aqida. On avait vu l'aqida. Ba'd, les traductions, elles sont ba'ida djibta. Maintenant, on avait vu Isma al-Ta'til. Vous vous rappelez? On avait vu al-Ta'til, Ta'til al-Sibab. Qui traduit Ta'til? Le mot bizarre, hein, comment ils disent? Anthropomorphisme. Al-An billah alayk. Est-ce que tu as compris quelque chose d'anthropomorphisme? Tu n'as rien compris. T'aimes-tu l'anthropomorphisme? Ta'til, c'est un mot comme ça. Hada. Al-An, Akhi, Anta, al-Lugha al-Arabiya, si tu viens, t'as un Tarab al-Ulm, et tu prends maintenant le Qamous, ou tu prends Mu'jam Maqayis, l'Lugha ibn Faris, c'est un kitab naf. Maintenant, lui, il va te donner Asl al-Kalima, Atala. Al-Ta'til, ça vient d'Atala. Al-Ayn, il va te dire Watta, Wallam, il va te dire Asl al-Sahih, fil l'Lugha. C'est Asl al-Sahih. Il est dans le Coran, et Quraysh, il parlait à Atala. Et il va te dire Ma'na, Al-Tarq, ou l'Inka. Et le fait, t'as le fait de délaisser. Taraka kada et il le délaisse. T'as compris, Amla? T'as compris? T'as pas besoin d'autopromorphisme ou Amin Hadilomo. T'as pas besoin de ça. Ça, c'est des mots, ils t'emmènent. Tu vas faire le gars, ils te font un autre dictionnaire en français. Toi, ils te font un autre. Tatab. Prends la langue arabe, Ari. Prends la langue. Et on a des mythes al-Kadir, Bihada. On a des mythes al-Kadir. Et Kadalik, il y a des mots, mais ils les déforment. Si l'arabie, ils ont déformé Istaoula, Bistaoula. Ma balouk en français. Fantabé. Apprends la langue arabe et apprends ton deal avec l'asr. Espère. T'es un sunni, t'es un musulman, tu crois que l'ilm va descendre à Gada. Espère. Wallah, on a vu des frères ici à Damaj, des Russes. Je donne des exemples, des Aajim, qui n'ont rien à voir avec la langue arabe. Des Russes ou des Africains, yani Sénégalais ou Maliens ou Minhad al-Omour, ou des Indonésiens ou des Français. Il est mashallah fidou à l'arabe. Il est l'élève de l'ulama, il écoute les cassettes, il est à l'arabe. Il n'a plus besoin de traduction foulan en foulan. Hadi nasiha l'oula. Al nasiha l'thania. Al nasi. Tu viens à lire une traduction, un tabih le traducteur. Il faut que le traducteur ça soit un sunni, akhi. Et même si c'est un sunni, pas tous les jours. Ta vie, elle est tout sur les traductions. Tu trouves la nouvelle génération de salafis, dans les avis des frères qui viennent, tu trouves, tu lui parles en arabe, il comprend rien. En français, naam, il te sort des mots des traducteurs, kada, kada, kada. Tu vois qu'il a été élevé avec ses livres, c'est pas bon. Tu vois qu'il a un daf. Sahih, il a un daf. L'ilm, il faut le prendre عند السلف يا اخي عند العلماء. À ma traduction, on a dit au début, après, laisse. هذا التنبيه الثاني أن لا تخدش في قاعدة تخدش سجي النصيحة الثالثة أن سيتني أنا غاب تفكوا خلمو الآن أنت بإذن الله تبغى تقدر يبغى أنا غاب ستفكوا خلمو سبب مباشرة تفلغوس سخطة سبب مباشرة مثلا تدي أمو تغيب هنا مثلا ما أدري تغيب آليب الصبي الصبي Il y a des gens qui ne savent pas ça veut dire sabi. C'est pas tu vas et tu ouvres la rousse, Moubachara. Prends un livre de l'arabie. Ou un adkur, ou un abad kutub. Al-Qamous, les Fayrouz al-Abadi, rahimahullah. Min al-ulama, min al-a'imma. Il a fait un dictionnaire, arabe. Mu'jam maqayis l'ugha l'ibn Faris, min a'imma t'l'ugha. النهاية لابن الأثير من أئمة اللغة. هذا سيغزغفي dans les mots compliqués qu'il y a dans les hadiths. Dès que tu as un mot compliqué dans les hadiths, tu reviens dans ce livre. كذلك مفردات القرآن للراغب الأصفهاني عليه رحمة الله من أئمة اللغة. Lui, tous les mots du Coran, il les explique. مثلا الحمد لله حمد, il t'explique ça. أنت, tu reviens à ses كتب يا أخي. Il est. مثلا الصبي, tu vas ouvrir le قاموس, tu vas trouver quoi? الصبي, c'est quoi? C'est un طفل. طفل, tu sais, c'est quoi? Tu vas lire, tu vas comprendre, c'est quoi? C'est un enfant. Voilà, t'as pas besoin de la rousse, moral. Et le fait que tu cherches ton Qamous ou dans la dictionnaire d'arabe, ça va t'augmenter ta langue arabe. Il y en a à chaque fois, tu vas chercher, tu vas râler là. Ça veut dire quoi? Tu vas demander à un frère, à force, un an comme ça, Inch'Allah, tu vas avoir plein de moufradat dans ta tête. Enfin, insane, c'est pas d'aïman la rousse, là. Inch'Allah, tu vas arriver à un niveau, au début, t'es obligé. Mais dès que t'arrives à un niveau, autre, et bascule en arabe. Tu vas être né le nahar que la langue arabe. et tu vas comprendre. Là, il faut des efforts. Ansar al-Ikhwa, ils prennent un daftar et les mots jadid, ils les mettent. Tu prends un daftar et tu le mets au répertoire. Alif, Bata, il a akhiri jusqu'à la dernière lettre. Et chaque mot jadid que tu as, tu le mets. Avec une définition en arabe. Une définition simple pour toi. Matalan Sabi, un tas, tu vas faire des recherches, tu vas comprendre un enfant, tu mets égal Walad. Un enfant. Et ils vont te donner une tranche d'âge et tu vas stafed. Il a fait. Ben ça, faites-le, Ayman Ikhwa, faites-le. Un frère, une fois, il l'a fait, stafed à Jitten. Tu vas dire, ah, mais t'as un mot, tu vas toujours être en langue française. Toujours, la alaqa, ça va être en langue française. Dès qu'il y aura un frère qui parle qu'en arabe, tu vas être perdu. Là, un tas, il faut que tu arrives à un niveau, tu bascules en langue arabe. Inch'Allah, nous, les doulous, c'est ce qu'on va faire. Petit à petit, on rajoute l'arabe. Mais Ibnillah, le dernier terme, on le fera qu'en arabe, Inch'Allah. Al-Nasiha al-Rabi'a. أهمية القراءة في كتب السلف بالعربية. الآن أنت يفو كتنغي السبيتو. Pas la traduction, tu lis des rasa'il saghira. Khasatan les dorosh qu'on fait, tu lis les shuruh. Charh usul thalath, il fawzan. Abidahullah. Charh kada. Et t'avances et on finit après la dame. An-nasiha, on était arrêté où ? الرابعة النصيحة الرابعة نعم قلنا القراءة في كتب بالعربية tu prends des كتب السامة et tu prends un daftar à côté de toi et dès que t'as un mot nouveau tu le notes tu vas arriver أنت مثلا وصل ستة الشرح tu lis tu vas arriver à des كلام tu comprends pas tu notes et après tu prends la tariqa qu'on a dit. J'essaie de trouver un dictionnaire arabe simple. Il y a des dictionnaires arabes, là je vous ai cité, mais il est encore plus simple. Il est encore plus simple. Et tu prends un tas la kalima, tu essaies de la comprendre en arabe. Le jour où tu n'arrives plus en arabe, tu demandes à un frère qui t'explique. Amma tu vas et tu colles des mots en français, il ne va pas avoir une grosse faïda. Mais Anna, tu vas penser après qu'en langue française. Tous les mots que tu vas voir, ça va être de la langue française. Tu vas avoir un mot arabe, tu ne comprends rien. Mais toi, la définition que tu as, c'est du français. Amma Anta, si tu peux expliquer l'arabe arabia, ça va t'augmenter ton vocabulaire et tu vas comprendre. Si tu ne comprends pas, demande à un frère. Tu lui dis, je te kalima, explique-moi en arabe. À la maison. كذلك سماع الأشرطة تكود كاسيت الحمد لله نحن في هذا المكان ونا لدروس الشيخ يحيى حفظه الله 3 fois par jour plus il y a des frères ont des dorous بالعربية الحمد لله يعني فائدة كبيرة تكود كذلك درس الشيخ حفظه الله dès qu'il parle ce daftar tu dois l'avoir toujours avec toi أخي أنا ce conseil que je donne daftar c'est un frère qui a des années في اللغة ici كان نحو c'était notre مدرس بكورس دو نحو et nous avait donné, il avait donné cette faïda à des Indonésiens. Il y avait des Indonésiens avec nous. Ta'alamou, les Indonésiens, c'est des Ajim, ils ne comprennent pas l'arabe. Et il leur a donné cette faïda. Wallah, ils l'ont fait, ils ont staffed. Il leur a dit, d'ailleurs, ils staffent avec toi, avec des lettres. Dans ce chir, il y a un mot, tu le mets. À la fin de l'année, tu vas voir ton kitab, ton cahier hadak, plein de mots. Inch'Allah, tu les as compris. Dès que tu n'as pas compris, tu les révises. Tu ouvres de temps en temps, tu regardes. Tu fais qu'à la khayr. Tu fais qu'à la khayr. Bah, anta, dès que tu as le temps, tu écoutes Ashratat al-Ulama. Ashratat al-Ulama, il y a deux ou trois faïdes. La première faïda, c'est que tu as du ajr. La deuxième faïda, tu vas apprendre des choses fédines. Maintenant, tu écoutes une cassette sur le manhaj, tu écoutes une cassette sur le jahr, tu écoutes une cassette sur le fiqh, tu écoutes une cassette, tu vas apprendre des choses. Troisièmement, tu vas avoir une faïda sur le Coran. Dès qu'il y a un mot, tu le mets dans ton daftar. Tu le mets dans ton daftar. Lakin, charte, que ce soit bil arabiya et ulama le sunna. Asbal lak. Amma, tous les jours de doros en français, en français, en français, là. Hatta nous les doros qu'on fait l'un. Alhamdoulilah, nous on essaie de faire français arabe, on ne fait pas que français. Il n'y a pas de faïda. Je vois là, il n'y a pas de grosse faïda qu'en français. Abadan. On fait les deux. Et on fait les deux, c'est qu'un tremplin. Une fois ceux qui maîtrisent l'oral l'arabia, il est. C'est pas tous les jours il écoute ces doros hadi. Taqullah. Tu écoutes l'ulama, ya akhi. Man nahnu, nahnu des masakin. Tu prends l'ulama, tu vas stafed. Tu vas stafed fil adab, tu vas stafed fil akhlaq, tu vas stafed fil kouwa, tu vas stafed plein de choses. Hadi. الفائدة الأخيرة أو النصيحة الأخيرة الآن بكتوسكم هذه بإذن الله يدفخير مفولو غبخل لغب شبعنا خاصة السامعين أما نو الحمد لله دماج ونقول على لغب السي أسأل الله الإعانة أما ممكن أفخير سيلي كنت هذا الدرس أو هذا الكلام سبع الموتشي بقول على لغب النصيحة سيكلا بخل لغب إلا عند أهل السنة اتق الله. On ne va pas apprendre, t'es motivé, t'es en France maintenant, je vais aller apprendre la langue arabe, je vais en Égypte, je vais au Soudan, la Madrid, et tu ne sais pas où tu vas. Et taqna. Si tu vas dans un endroit, tu dois savoir, tu vas à Ahl al-Sunnah, hatta l'arabiya. Un frère m'a informé, il a des frères dans sa ville, ils ont été dans un pays, en Égypte, ils ont été dans un endroit, c'est pas Ahle Sunna. Ta'lamoun, l'Égypte, c'est mélangé. Katir, il y a des Ikhwan. Wallah, ils ont voulu apprendre la langue arabe. Il m'a dit 6 mois, 1 an. Ils sont revenus, ils ont appris un peu de langue arabe. Ils sont revenus avec l'aqidat al-Khawad. Ils ont changé leur aqidat al-Hukam, kada, fulan, kada. Ils ont changé. Omdur, pour apprendre l'arabe, il a perdu sa aqidat, ou son manhaj. Fattakillah. Fattakillah, t'apprends l'arabiya, عند أهل السنة. عند أهل السنة السلفيين. C'est pas tu vas n'importe où. Bardana s'est dit je prends que l'arabe. Tazon, il va te donner que l'arabe. Mais il va te donner l'arabe, il va te laisser des choubah à droite, à gauche, tu vas ressortir avec des choubah. Qala isa salam, natajal sal, ajal sou, kaham el misk, wana fik el kir. Al-Jalis, il a un affar. Enta, c'est ton prof. Il va te donner kada, kada, il va te glisser une chose. Ça va rentrer. Et Anna, je te demande, Akhil Karim, est-ce que tu as la capacité de différencier, Enta? Tu dois apprendre l'ouvrage l'arabie. Ça veut dire que tu es vaïf. Qui c'est qui t'a dit que tu allais différencier? Qui c'est que ça se trouve, des fois, il va dire du haq, tu vas croire que tu différencies, tu vas rejeter le haq. Ça se trouve, des fois, il va te donner un bâtel, tu vas dire ah, c'est haq, ça je prends. Taqillah. Taqillah. Ulama al-Salaf. Ayyub, Muhammad ibn Sirin, al-Fudayl, min ha'oula, al-Qur'an, ils n'entendaient pas min ahl al-bida. Pourtant, c'est des a'imma, et ils avaient le loga, ils venaient le Qur'an, ils bougent ses oreilles. Anta meskin, tu vas être approché d'eux. Alors, un sahouk, s'il n'y a pas, fait du'a, il reste comme ça, حتى الله يفتح عليه. Et le calife Allah, on a sa vie. Lakin, si t'es sincère, il va trouver une issue. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ الآية. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع الاجتهاد في اللغة. نحن نسأل الآن. On a fait ce مقدمة في شرح الأصول الستة إلا لهذا. لأن الآن, on va commencer à augmenter في العرب فالاجتهاد. Pas toujours t'es un assisté avec la langue française, là. T'arrives à un niveau, mais idn Allah, que l'arabie. نسأل الله عز وجل التوفيق. عفوا تأخرنا اليوم. À partir de demain, بإذن الله, on essaiera d'arrêter 5 minutes ou 10 minutes avant la dame, بإذن الله. عفوا. تفضل. C'est quand même la main, là. لا صحيح. الله عز وجل يبقى الدنيا أحسن. أحسنت. يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي يجعل اي يدري صحيح اما تخبي قد يقول قائل اسك الله يشخش ابدا احسنت يا ابا بكر فالافضل انظر لي بخلان دارون فرانسيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا شو سي اما نحن يجعل دفول تخرج تخبي تخبي اسك الله يشخش لا فتي اوبجي تدير دوني سي بريسي انت تدي يجعل له مخرجا انتهى احسنت سا سي لا فائده دو درس تفضل صحيح هذه سمعناها صحيح شبهة أنا بعض الناس مثلا واحد يدي مثلا لا الدماج إذا طاب نحو جفي أن إيجيب إي أبخي جفي الدماج اتق الله الدماج إذا سرطي المشائخ في النحو المشائخ في النحو إذا دي اللغ إذا دي الشروع في التحفة إذا دي الشروع في الأجرمية إذا دي الشروع في ابن عقيل إذا دي التعليق عن منصر الطلاب إذا دي كذا كذا إلا من الإخوة من الدماج إيش دماج يتعلم من أنجلة الشيخ يحيى ندوني الدرس انا دونيزيان ما تحداك تو فيان اي تو تيان في اللغه والله سي والله الحمد لله اون كومونس دو كيتام ان كيتام مدين ان اي فون جوسكا شرح ابن عقيل لو ديرني سي تو فو يا دي زوت ليب شو تفهم مدرس خاص اي ثلاثه ان شاء الله تو فيان شيخ في النحو لكن اون اوتر مساله اي اون فيني افيك سا ان الانسان اللغه العربيه اي باز سا باي في دو غولو اي في كو لا لانغ عربي Et sa aqida, elle la connaît pas. L'oral arabe, on a dit, c'est un moyen. Ça reste un moyen. Tu lui donnes son haq et sa tête. C'est pas, بعض الناس, 50 ans de nahou, il connaît pas sa aqida. Là. فالإنسان ما إما أن بو pour apprendre et يجتهد. نسأل الله عز وجل التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.